comme elle avait bien recommandé, que les Bessons ne fussent point nourris du même lait, on s'enquit vivement d'une nourrice. Il fallut que le père Barbeau partît pour chercher cette nourrice dans les environs. Et pendant ce temps, comme la mère ne pouvait pas laisser pâtir ses petits, elle leur donna le sein, à l'un comme à l'autre. Toutes les nourrices que le père Barbeau put trouver lui demandèrent donc 18 livres par mois, ni plus ni moins qu'à un bourgeois. L'affaire ne pressait pas beaucoup. Quand l'un dormait, l'autre dormait aussi. Le père avait agrandi le berceau, et quand ils pleuraient tous deux à la fois, on les berçait et on les apaisait en même temps. Enfin, le père Barbeau fit un arrangement avec une nourrice pour 15 livres. Il ne tenait plus qu'à 100 sous d'épingle. Lorsque sa femme lui dit « Ils ont déjà un mois. La merlotte que vous voulez donner pour nourrice à un des deux n'est pas moitié si forte et si saine que moi. Son lait a déjà 18 mois, et ce n'est pas ce qu'il faut à un enfant si jeune. Je vous en prie, mon mari, ne pensez plus à cette nourrice. Nous ferons pour le reste tout ce que la sagesse a recommandé. Comment voulez-vous que des enfants à la mamelle se prennent de trop grande amitié, quand c'est tout au plus s'ils connaîtront leurs mains avec leurs pieds quand ils seront en sevrage ?»« Ce que tu dis là n'est pas faux, ma femme, » répondit le père Barbeau, en regardant sa femme, qui est encore fraîche et forte, comme on en voit peu. « Mais si pourtant, à mesure que ces enfants grossiront, ta santé venait à dépérir ?»« N'ayez pas peur, » dit la Barbaude, « je me sens d'aussi bon appétit que si j'avais 15 ans. » Le père Barbeau se rendit, d'autant plus qu'il aimait bien autant ne pas faire de dépenses inutiles. La mère Barbeau nourrit ses Bessons sans se plaindre et sans souffrir, et même, elle était d'un si beau naturel que, 2 ans après le sevrage de ses petits, elle mit au monde une jolie petite fille qui eut nom Nanette, et qu'elle nourrit aussi elle-même. De cette manière, toute la famille grandit et grouilla bientôt au soleil. Les petits oncles et les petites tantes avaient des petits neveux et des petites nièces qui n'avaient pas à se reprocher d'être beaucoup plus turbulents ou plus raisonnables les uns que les autres.